Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un comédien cher aux Français que Franck Ferrand nous fait découvrir aujourd'hui, André Rimbourg, alias Bourville. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il a été à peu près tout Bourville et c'est vrai que les Français l'adorent. Chanteur, fantaisiste, il a même été animateur de radio sur une station qui à l'époque s'appelait Europe numéro 1, bien entendu. Et pour évoquer Bourville, vous avez invité une dame qui l'a bien connue. Danielle Thompson, qui a écrit pour lui les scénarios de La Grande Vadrouille et du Cerveau, et même celui de La Folie des Grandeurs, mais vous savez que hélas, il n'a pas pu le jouer. C'est Yves Montand qui a dû le remplacer au dernier moment. Je suis très heureux que Danielle Thompson ait accepté d'être avec nous, ainsi que le monsieur culture d'Europe 1, un grand connaisseur de Bourville et de la Normandie bourvillienne, Thierry Geffrotin. Voilà ce qui s'appelle une affiche prometteuse. N'est-ce pas ? Et tout en haut, en lettres de feu, le nom de Bourville. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Décembre 1946, à Paris, au théâtre de l'Alhambra, le rideau s'ouvre, un jeune homme monte sur les planches et le futur directeur de l'Olympia l'a convaincu, ce jeune homme, de participer à une opérette dont le titre est La Bonne Hôtesse. Le futur directeur de l'Olympia, bien sûr, c'est Bruno Cocatrix. Le public n'a encore jamais vu ce drôle de jeune homme, ce grand garçon à la frange blonde, à la démarche un petit peu gauche, dégingandé, dans un costume étriqué de paysan. Il a l'air amusé, naïf et d'une voix vaguement chevrotante, avec un léger accent de la campagne, le voilà qui se met à chanter. Et je sais toujours ce qu'on dit, mon physique, quel drôle de cheveux, dit un monsieur, quel drôle de dents, fait un quidan. Ah, quelle binette, pense une brunette, c'est fou ce qu'il a l'air bête. Mais moi, je me dis, charmé, ravi, je suis content, ça marche. Si je n'avais pas cette binette-là, je ne pourrais sans doute pas dire, ça marche. Comme s'il avait déjà une pleine conscience de ce qui va faire son succès, André Rimbourg, que l'on surnomme donc Bourville, ironise sur son physique de paysan normand, sur son air un peu d'imbécile heureux, il faut bien le dire. C'est exactement ça qui va faire son succès. Parce qu'effectivement, cette image de gentil, de faux naïf, qui a fait de Bourville ce qu'il est devenu, cette image va devenir tellement, tellement célèbre. Il sera un immense acteur, admiré, respecté. On peut dire qu'il incarnait à l'écran ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire exactement cet homme simple. Mais avant d'être le comédien que l'on connaît, comédien très talentueux, ce que l'on sait moins, c'est que Bourville est avant tout un chanteur. Si la vie de cet homme, si sa vie discrète et heureuse n'a rien d'extraordinaire, sa trajectoire, elle, disons-le, est tout à fait inédite. L'histoire d'André Rimbourg commence par un événement tragique. C'est en plein milieu de la Première Guerre mondiale que naît le jeune André, par une chaude journée de juillet 1917, dans un petit village paisible de Haute-Normandie qui s'appelle Prêteau-Wickmar. Il dira « Je suis né à un âge si modeste que ça ne vaut peut-être pas la peine de le préciser. Je ne savais pas encore que je m'appellerais Bourville, ni d'ailleurs André Rimbourg. Dans les mains de la sage-femme, je pesais 8 livres, à peine le poids d'un accordéon. Je suis né dans une ferme, en face d'une meule de foin. Il m'en est resté quelque chose. » Il faut imaginer la mère du jeune André, Eugénie Rimbourg, une brave agricultrice qui attend avec angoisse le retour de son mari, qui prie chaque matin pour que le facteur ne vienne pas lui apporter la terrible nouvelle qu'un certain nombre de ses voisines ont déjà reçue, évidemment. Or, à la fin de 1918, cette nouvelle arrive. Ce n'est pas la guerre qui a eu raison d'André Rimbourg, c'est la grippe espagnole. Et on peut dire que le petit, à peine né, prend le nom de son père, bien sûr, et c'est déjà un petit orphelin au berceau. Désormais veuve, avec 3 enfants à charge sur les bras et une exploitation difficile à gérer seule, Eugénie est contrainte de quitter la ferme. La voilà de retour dans son village natal qui s'appelle Bourvil. L'enfance d'André dans le pays de Caux, c'est sans doute l'histoire d'une enfance heureuse. Sa mère s'est remariée avec un paysan du coin qui s'appelle Joseph Ménard, et au rythme des saisons et des travaux au champ, la vie normande est assez douce, assez agréable. Alors, bien sûr, le petit André doit aider au travail de la ferme, c'est comme ça à l'époque, hein. Il s'occupe des pommes, des vaches, mais il n'est pas malheureux, loin de là, et par la suite, avec esprit, il dira « C'est en quelque sorte comme ça que j'ai débuté dans le tour de champ ». Il écrivait « champ » avec AMP, bien sûr. C'est un garçon à la fois vif, tendre, drôle, rêveur. Il aime dessiner, il aime se promener au milieu des champs de blé. Il aime surtout, disons-le, faire rire ses camarades. Et non seulement il a l'esprit vif, il fait pas mal de mots d'esprit, des calembours, etc. Mais surtout, il est doué pour les imitations. Et on sent bien qu'il y a dans ce petit garçon déjà quelque chose de singulier, de difficilement définissable, une forme de sensibilité, disons, une sensibilité à fleur de peau. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Alors il apprend à l'exprimer, cette sensibilité, à travers la musique. À l'âge de 10 ans, André a reçu un harmonica avec lequel il se trimballe partout. Il va passer des heures à s'entraîner sur cet harmonica. Tout le monde en a assez autour de lui. Il ne connaît pas le solfège. Il apprend néanmoins comme ça à faire des gammes. Et bientôt, il va être capable de jouer des airs, d'en improviser. Il a l'idée de se servir d'un petit appareil, un abreuvoir, hein, qui va permettre d'intensifier le son. Alors pour l'instant, il n'a pas de public, hein. Son public, ça reste quand même très limité. Et lorsqu'il se rend à la messe, il est fasciné par tout le décorum, vous savez, l'atmosphère religieuse, les costumes, les chants, etc. Dans sa biographie de Bourvil, Pierre Berruet raconte qu'un jour, je le cite, « il est tant pris par ses chimères pendant l'homélie du curé qu'il va se laisser aller à applaudir à la fin de la péroraison sous les regards outrés de l'assistance. » Son instituteur, M. Lemonnier, a très bien perçu la sensibilité de ce garçon qui est devenu son chouchou, on peut le dire. Il lui fait découvrir la TSF, c'est-à-dire la toute nouvelle radio. On imagine bien le jeune André, ce garçon si joyeux et enthousiaste, aux yeux bleus pétillants. On l'imagine rentrer chez lui en fredonnant les airs qu'il a entendus à la radio. Et quand je dis en fredonnant, parfois il se laisse aller à chanter à plein poumon. Un jour, sa mère et son beau-père vont faire son bonheur. Il lui offre un phonographe. Ah ça, c'est un appareil qui n'a pas fini de fonctionner, hein. Il écoute de la musique constamment, sans relâche. André va s'inscrire un petit peu plus tard, quand il sera adolescent, à la prestigieuse Harmonie de Fontaine-le-Dain, où il apprend les rudiments de la musique, où il s'initie au piston. Il participe désormais à la fanfare qui défile les jours de fête, on les voit un petit peu partout dans le pays de Caux. Et le week-end, avec sa bande d'amis, on le voit se rendre à motocyclette au bal. André a 17 ans, il n'est pas dénué de charme, il est blond comme les blés, il a ses yeux tellement intelligents. Et lors d'un des bals, il est littéralement hypnotisé par la beauté, par la douceur d'une jeune fille qui s'appelle Jeanne Le Fric. Ils vont tomber respectivement sous le charme l'un de l'autre. Jeanne l'encourage dans sa passion, la musique. Mais si la musique est devenue pour André une sorte de drogue, pour autant, il n'a pas du tout à l'époque l'intention d'en faire son métier. Ses parents, Eugénie et Joseph Ménard, ont pour lui d'autres ambitions. À l'époque, la promotion sociale, vous savez, n'est pas très répandue. Ça paraît, les idées d'André paraissent totalement chimériques. Seulement, comme il travaille très bien à l'école, ils se disent qu'il pourrait peut-être devenir un peu mieux quand même que ses propres parents. Il pourrait devenir commerçant. Certains disent même qu'il ferait un bon instituteur. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Bourvil. Alors Franck, vous nous racontez la trajectoire exceptionnelle de Bourvil, qui a 17 ans, il est passionné de musique, on vient de le voir. Alors est-ce qu'il avait des idoles déjà à cet âge-là? Il y avait peut-être un peu moins d'idoles qu'aujourd'hui. Mmh. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de 18-19 ans, quand il va devenir apprenti boulanger à Rouen, ça va le rapprocher des salles de projection. On est dans les débuts du cinéma, c'est tous les films de Max Hennet, vous savez, les Charlots comme on disait comme on disait en France. Et évidemment, il va suivre tous ces films-là. Et il a une sorte d'idole, alors oui, on peut le dire, un petit peu plus tard peut-être, c'est Fernandel. Il va justement, à Rouen, assister à un spectacle de Fernandel. Et ça, on peut dire que c'est un choc immense. D'ailleurs, vous savez que le premier nom de scène de Bourvil, ce sera Andrel, par référence à Fernandel. Et c'est parce qu'il a été ébloui, littéralement, par Fernandel sur scène, qu'il va vouloir devenir artiste et que lui aussi veut être d'abord et avant tout musicien. Alors comment est-ce qu'il pourrait se lancer dans des études musicales? Il connaît personne dans le milieu, il n'a pas de contact, inutile de vous dire, il n'a pas d'argent non plus. À l'Harmonie de Rouen, un de ses professeurs lui donne un conseil, lui dit de s'inscrire dans l'armée, ce qui lui permet de rejoindre la musique militaire. Bon, c'est mieux que rien, vous me direz. Et voilà comment notre jeune Normand va partir pour la capitale, comme on disait, où il va effectuer son service militaire en tant que musicien. C'est le début pour André d'une nouvelle vie. Et au sein du 24e régiment d'infanterie de la caserne de la Pépinière, il est entouré de musiciens professionnels. Et c'est lui qui va faire découvrir un certain répertoire à ses nouveaux camarades, et notamment celui de Fernandel, bien entendu. Il les fait rire en imitant Fernandel. Tout le monde est fasciné par cette espèce de vis comica, ce talent comique d'André. Ses nouveaux amis lui disent qu'il devrait faire des concours amateurs. C'est les crochets, c'est la grande époque. On est en 38-39. Il y a des crochets pour tout à l'époque. On parle aujourd'hui de la télé-réalité, mais à l'époque, c'était la radio-réalité, on pourrait dire. Et voilà donc André sur scène avec son air un peu ébobé, comme ça, charmant, dans son costume militaire, qui interprète devant le public de cette voix si singulière. Il interprète des grands succès de Fernandel et Ignace et la caissière du Grand Café. Son cœur bat la chamade. Quelle va être la réaction du public? Eh bien, lui qui avait peur d'être rejeté ou sifflé, il est en vérité acclamé. Et à partir de là, on va le voir multiplier les crochets, s'inscrire même au concours du Poste parisien, au Salon de la Chimie, en présence de Georges Briquet, qui est le grand animateur de l'époque. Il a pris de l'assurance, il remporte le premier prix, et quelques semaines plus tard, il remporte également le concours de Radio Paris. Autour de lui, on lui glisse qu'il devrait continuer dans la chanson, l'idée le taraude, seulement... C'est très difficile, évidemment. Vous voyez bien d'où il vient. C'est compliqué. Comment est-ce qu'il pourrait envisager, lui, une carrière d'artiste? C'est idiot, tout ça. Il doit gagner sa vie, il doit fonder une famille. Alors après le service militaire, il se dit qu'il va sûrement reprendre son métier de boulanger. De toute façon, c'est plus trop le moment de penser à tout ça, puisqu'on est en plein dans la guerre qui vient d'éclater. André est mobilisé, envoyé sur le front. Et puis, vous savez ce qu'il en est de la grande campagne de France du printemps 40. Bientôt, André se voit démobilisé, il va faire une rencontre déterminante, celle d'Étienne Lorrain, qui deviendra son plus fidèle ami. Étienne joue de l'accordéon, il a monté une sorte de petit cabaret où tous les soirs il accompagne des soldats qui chantent. André est intégré dans le cabaret d'Étienne et dès qu'il se met à chanter avec l'accent normand ce répertoire de Fernandel, qui normalement est fait pour un accent marseillais, tout le monde se tord littéralement de rire. On rit presque plus encore lorsqu'Andrel se met à raconter des histoires. Il joue l'idiot du village, vous savez, c'est son meilleur rôle. Alors le voilà de retour néanmoins chez lui, en Normandie. Mais là, il sait que désormais son avenir est ailleurs. Il ne sait pas encore ce qu'il fera, mais il sait que ça aura lieu à Paris. Et d'ailleurs, il écrit à Étienne Lorrain « J'arrive ». En 41, André est admis en tant qu'auditeur au Conservatoire National Supérieur de Musique, s'il vous plaît, section trompette. Le soir, il chante donc dans les cabarets parisiens, notamment des numéros de duo avec le fameux Étienne. Inutile de vous dire que les fins de mois sont difficiles, les petits boulots s'enchaînent. Mais en 42, André est engagé dans un prestigieux cabaret des Champs-Élysées du nom de Carrère. Cette même année, il va prendre le nom de Bourvil et très vite, il est remarqué par la presse qui loue ses talents comiques. N'oubliez pas l'époque dans laquelle on est dans cette période de guerre. Cet humour bon enfant qui ne porte pas à conséquence plaît à tout le monde, évidemment. Et dans une revue de Georges Guettari qui s'appelle « Ça sent si bon la revue », il va se tailler un véritable succès. Jeanne, il ne faut pas l'oublier, Jeanne, oui, elle est là toujours, amoureuse. Bien sûr. Elle le rejoint à Paris. En 43, il se marie, il s'installe à Vincennes dans un tout petit appartement sous les toits. Bourvil se met à écrire des chansons, des sketchs, etc. Il est de plus en plus sollicité par le music hall. Il va innover en mêlant l'humour et la chanson. Ça, c'était assez nouveau. Et un jour, il rencontre une vendeuse de cartes postales qui lui inspire la fameuse chanson « Les crayons ». Alors, « Les crayons », pour nos plus jeunes auditeurs, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais dites-vous que c'est le plus grand succès de cette époque. C'est quelque chose d'inouï. Jean-Jacques Vital, qui évidemment est un grand animateur de Radio Luxembourg, le remarque, le convie à participer à son émission. Et désormais, on va entendre « Les crayons » à longueur de journée sur les ondes de Radio Luxembourg. André raconte toutes sortes d'histoires du pays de Caux. Il évoque une course cycliste dans le vélo, les aventures d'un paysan qui découvre le monde de la musique. Bref, vous avez compris, ça y est, maintenant le succès est là et il ne le lâchera plus jamais. Les crayons de Bourvil, évidemment. Nous sommes avec Bourvil. Oh, à mon avis, il ne va pas nous lâcher aussi facilement que ça. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur du destin de Bourvil cet après-midi sur Europe 1. Alors Franck, ça y est, vous nous l'avez dit, Bourvil a du succès dans la chanson. Oui, et dans le sketch, la chanson d'humour, disons. Mmh. Il fait des sketchs aussi, par exemple, dans le conservatoire, il dit « On arrive à la salle Pleyel et le speaker annonce « Maintenant vous allez entendre la 9e symphonie de Beethoven ». Je dis à ma femme « Tu vois, ça fait 8 qu'on loupe, on est en retard ». Et cet humour bon enfant, évidemment, fait s'esclaffer la France de l'époque. On est au lendemain de la guerre, les gens ont envie de se changer les idées. On peut dire de Bourvil qu'il est devenu absolument incontournable à la radio, sur Radio Luxembourg dans un premier temps, en attendant Europe numéro 1 trois ans plus tard, bien entendu. En 53, il est l'artiste français le plus populaire de l'année, tout simplement. Ce que je dis les amuse, dit-il, alors qu'ils disent exactement la même chose chez eux et que ça ne les amuse pas. Il y a toujours cette espèce de bon sens extrême, mais vous imaginez bien qu'après, en même temps, devrais-je dire, que la chanson, et alors que l'humour est devenu évidemment sa signature, notre Bourvil, on va l'appeler comme ça désormais, n'a plus qu'un rêve, c'est de faire du cinéma. Or, il se trouve que Robert Dorfman, producteur, l'a repéré en 45 grâce à sa chanson « Les crayons ». Il lui propose de jouer dans le film de Jean Dréville « La ferme du pendu ». L'acteur principal, c'est le grand Charles Vanel, hein, le plus grand acteur de l'époque. Bourvil se retrouve pour la première fois sur un plateau de cinéma. Alors, il n'a qu'une scène. Au moment dans un repas de famille, son personnage est censé interpréter une chanson. Il est très intimidé par l'ambiance du tournage. Il ne parvient pas à retrouver sur le plateau l'ambiance et surtout la facilité, en quelque sorte, à laquelle il s'est habitué à la radio et dans les salles de spectacle. Alors, on ne peut pas dire que ce premier film lui permet d'exprimer son talent, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, ça l'a néanmoins passionné, cette expérience, et il se dit qu'il va aller plus loin dans ce domaine-là. Il engrange, comme il le dira lui-même, il retient les conseils du metteur en scène, il observe les acteurs, il voit comment ça se passe, et un an plus tard, un dénicheur de talent bien connu, André Berthomieux, va lui offrir un rôle dans un autre long métrage, Pas si bête. Bourvil interprète de nouveau son personnage de gentil paysan bêta devant la caméra, mais il parvient à le faire cette fois avec beaucoup de subtilité. Ses mimiques, sa gestuelle expriment toutes sortes de nuances. On se rend compte qu'il y a une profondeur extraordinaire chez celui qui peut devenir un véritable acteur. Et là, le film en plus est un grand succès. Alors il va enchaîner les rôles qui se ressemblent. On le voit à l'affiche de Blanc comme neige en 47, Le cœur sur la main en 48, Le roi Pandore, etc. etc. D'ailleurs, dans Le roi Pandore, Bourvil, aux côtés d'Étienne Lorrain, toujours, chante La tactique du gendarme. Ah bah oui, la chanson la fameuse va devenir culte. On le voit ensuite dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Il joue un guide extraordinaire, Cadet Roussel, le chanteur de Mexico qui va lui donner une véritable dimension d'acteur populaire. La jument verte, ne l'oublions pas. Et en 52, il est dans Le Trou Normand aux côtés de Brigitte Bardot, s'il vous plaît. Immense succès, 3 millions d'entrées, à mon avis pas pour Bourvil, mais enfin, néanmoins, sa présence ne passe pas inaperçue. Pour l'instant, Bourvil ne souffre pas d'incarner encore et toujours ce même personnage, un petit un petit peu gauche. Pensez-vous que le rôle d'acteur soit un métier difficile, lui demande un jour un journaliste. Bon, c'est un boulot facile et agréable, on est au chaud, on mange de très bons sandwichs servis par des demoiselles charmantes et on est souvent vautré dans des fauteuils. Celui qui dira le contraire n'a jamais fauché un champ de luzerne un 15 août à midi, répond Bourvil. En 1956, il va recevoir le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise, s'il vous plaît, pour la traversée de Paris, bien entendu. Et c'est Maurice Bessy qui cite l'acteur dans sa biographie. « J'ai eu le prix à Venise, bon, j'en suis pas mal fier, mais je ne confonds pas vitesse et précipitation. Bourvil et Sarah Bernhardt. Le rire dans la qualité, c'est ce que je voudrais pouvoir faire. L'imbécile heureux, voilà mon emploi. Que je m'évade de temps en temps, je ne dis pas non, mais ce sera toujours pour y revenir. » C'était bien au petit bal perdu, Bourvil sur Europe 1, puisque nous sommes au cœur de son histoire aujourd'hui avec vos invités. Franck Ferrand, vous recevez Thierry Geffrotin, journaliste au service culture d'Europe 1, et Danielle Thompson, qui est réalisatrice, scénariste et qui a très bien connu Bourvil. Et oui, évidemment, on peut dire que c'est votre père qui a donné à Bourvil sa dimension historique, puisque nous faisons une émission d'histoire, Danielle Thompson. Et on a mieux perçu peut-être dans un certain nombre des films de Gérard Houry la double dimension du personnage. C'est-à-dire bien sûr qu'il était drôle, qu'il avait ce côté naïf, tellement simple, tel qu'il parle à chacun. Et puis en même temps, on sentait derrière toute une profondeur, toutes sortes de nuances. Comme il le dit lui-même dans Le Corneau, ou comme le dit en tout cas son personnage Antoine Maréchal. Ah ben, je suis pas si coun-coun que j'en ai l'air, alors. Avec ce fou rire extraordinaire qui clôt le film entre donc Bourvil et Louis de Funès. C'est très intéressant de voir d'ailleurs que parmi les réactions que vous nous avez envoyées hein, via Twitter et via Facebook avant le début de l'émission, vous êtes très nombreux à comparer Bourvil et de Funès, à les associer. C'est un duo évidemment, on y reviendra dans un instant avec Danielle Thompson. Je voudrais peut-être, Danielle Thompson, si vous êtes d'accord, que nous rendions un grand hommage à Michèle Morgan, qui était votre belle-mère et qui était une de nos plus grandes actrices. Elle a joué avec Bourvil, d'ailleurs. Oui, elle a joué avec Bourvil. Tout ça est un petit peu lié à nos histoires de famille, parce que mon père était un très très vieil ami de Bourvil. Ils avaient travaillé ensemble dans un film que vous n'avez pas cité tout à l'heure, qui est Le Passe-Muraille. Ah oui, on va en dire un mot. Voilà, et dans lequel jouait mon père le rôle d'un méchant garçon, comme très souvent. Et puis, ils se sont retrouvés, ils ne se sont jamais d'ailleurs vraiment quittés, mais ils se sont retrouvés sur un film qui s'appelait Le miroir à deux faces, avec Michèle Morgan, qui était absolument magnifique et qui jouait, un des premiers films qui ait jamais été fait. Peut-être d'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup sur la chirurgie esthétique. Donc on avait enlaidi Michèle, et évidemment, grâce à ce chirurgien qui était joué par mon père. Cette femme devenait très belle et son mari, qui était donc joué par Bourvil, qui était, si je me souviens bien, un petit professeur très modeste, tout à coup avait aimé sa vie avec cette femme qui était enfin très très quelconque, plutôt moche dirons-nous. Et puis quand elle devenait très belle, eh bien s'affichait en l'air sa vie. Et voilà. C'était trop, un très très beau sujet. Pour lui, d'une certaine et manière. Bourvil, il y avait déjà un rôle. Enfin, tragique, parce que le film n'était pas du tout une comédie, donc ils avaient travaillé ensemble là-dessus. Et donc, pour reparler de Michèle quelques instants, je sais qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup Bourvil, avec lequel elle avait aussi joué dans Fortuna, qui est un merveilleux film. Qu'on ne connaît plus tellement. Qu'on ne connaît plus, dire, qui n'est pas beaucoup passé, je crois, à la télévision, qui est un très, très, très joli rôle pour Bourvil et pour elle. Des choses drôles, mais ça se passe pendant la guerre, et elle jouait merveilleusement bien, cette femme un peu grande bourgeoise, obligée de se réfugier en zone libre, et aidée par ce pauvre garçon qui était un peu encore une fois un idiot du village et en plus alcoolique, et qui grâce à cette femme tout à coup devient quelqu'un d'autre, et il était absolument magnifique. Je sais que ça a été pour eux des moments absolument merveilleux. Mais c'était et André et Michèle, des gens... Très envie d'aller le revoir, des gens merveilleux. Film, hein, mais c'était même des le voir, gens, parce que pour tout vous dire, je ne l'ai pas vu, moi, ce film. Donc je serais très curieux et très heureux de le voir. Évidemment, tout le monde, c'est rare qu'on puisse dire ça d'un artiste, mais tout le monde connaît le Bourvil à l'écran. beaucoup ont eu la chance de le connaître à la scène ou sur les ondes. Grâce à vous, c'est l'autre Bourvil, le Bourvil à la ville, si je puis dire, que nous allons essayer de découvrir cet après-midi. Vous parliez du Passe-Muraille il y a un instant. C'est le rôle, c'est le film sur lequel se sont rencontrés Gérard Houry et Bourvil. Et c'est un film où Gérard Houry prenait un certain nombre de gifles, si je me rappelle bien. Absolument. Ça a été une scène qui a été tournée plusieurs fois. Mon père, je me souviens très bien, parce que j'étais petite à l'époque, était rentré en se tenant la joue à la maison parce qu'il fallait le faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que ma connaissance de Bourvil, elle est bien sûr grâce à mon père, parce que c'était toujours en sa présence que je me suis retrouvée avec André sur des tournages. Aussi bien pendant le cerveau, pendant le corneau, pendant la grande vadrouille. Et voilà, j'étais très, très, très touchée par cet homme parce qu'il était tellement facile de. Mais justement, comment était-il dans la vie? Il était chaleureux, il était simple, bien sûr un peu comme le personnage qu'on voit dans beaucoup de ses films, mais il avait une force. D'abord, il était costaud. Il était, alors que très souvent, avec sa démarche comme ça, petit pas... On l'aurait cru fragile, oui. Avec son dos un peu voûté, il a l'air de... Il rentre un petit peu en lui-même pour cette gestuelle tellement familière qu'il avait. En fait, c'était un homme balèze, séduisant, très, très, très... avec l'œil qui frisait, ses yeux bleus charmants, il avait un charme fou. Une grande modulation dans la voix aussi. Hein. Et puis un personnage d'une grande gaieté qui vous mettait à l'aise tout de suite. Il n'était pas intimidant du tout. Est-ce qu'il lui arrivait de chanter dans la vie Il lui arrivait de chanter, il lui arrivait de raconter beaucoup, beaucoup d'histoires drôles et qui étaient très, très drôles. Moi, j'ai des souvenirs de repas avec lui, avec des tables entières. Il nous faisait rire. Il tenait tout son monde autour de lui. Et puis, il était devenu, alors je pense à tout ce que vous avez raconté sur ses débuts, probablement cette timidité qu'il a pu avoir sur les plateaux de cinéma au début. Mais après, il était devenu un grand, grand pro. Et en fait, on a beaucoup raconté ça, mais il était formidable tout de suite dès les premières prises, ce qui a été un petit problème pour mon père dans le tandem avec De Funès, parce que Louis, contrairement à André, avait besoin de s'échauffer. Voilà, mon père les connaissait très bien tous les deux, il savait très bien que il fallait absolument faire plus de prises pour obtenir vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire de Louis, alors que André, il risquait de s'épuiser parce qu'il était tout de suite formidable. C'est étonnant de voir à quel point dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif des Français, les deux constituent une sorte de duo, alors qu'après tout, ils n'ont joué que dans un certain nombre de films, pas très nombreux. Ben, quatre, ça a été le Corneau et la Grande Vadrouille. Oui. Donc, la traversée de Paris d'abord, hein, puis ils s'étaient croisés, on va dire. Scène de Monsieur Janvier. Mais ils ne forment un duo que dans le Corneau et la Grande Vadrouille. Mais quel duo. Quel duo, absolument inoubliable, bien sûr. Et il y avait évidemment le projet de La Folie des Grandeurs, puisque c'est ce film que nous avons écrit en espérant qu'il allait pouvoir le faire tout en sachant profondément qu'il ne pourrait pas. Le rôle sera tenu finalement par Yves Montand. Voilà. Mais c'était la reconstitution du fameux duo et qui était une idée formidable et qui nous avait enthousiasmés. Ils avaient passé, on va y venir dans un instant avec Thierry Géfrotin, ils avaient passé une demi-heure à l'antenne d'Europe 1 au moment de la sortie de La Grande Vadrouille sans aucun animateur, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux sur un plateau de tournage où Louis de Funès était en train de jouer pour Fantomas d'ailleurs à l'époque, et on leur a donné des micros, ils ont auto-animé leur propre émission, ça a été un moment que n'ont pas oublié les auditeurs d'Europe 1. On revient aussi dans un instant sur L'Homme de Radio. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Bourvil. La suite, c'est dans un instant, juste après Jeannette Porquet-Tébat. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Bourvil, cet après-midi sur Europe 1. Et vous êtes bien entouré, Franck Ferrand, puisque vous recevez Thierry Géfrotin, journaliste ici à Europe 1, et Danielle Thompson, réalisatrice et scénariste. Et je parlais de l'homme de radio qui s'est fait connaître du public grâce à Radio Luxembourg, qui était déjà, si j'ose dire, une star lorsqu'il est devenu l'un des animateurs d'Europe 1. Voilà ce qu'on entendait sur l'antenne d'Europe numéro 1 pour les vœux pour la bonne année 1958. 1958. J'hésite à parler de cette époque, surtout à la radio, parce que je crois que la radio a fait souffler un vent de pudibonderie sur les programmes de variété. Il m'est arrivé de feuilleter, de regarder les chansons d'il y a 50 ans, des chansons de Dranem, Montel, Paulin, Boucaud, enfin tous les comiques de cette époque. Et on m'a demandé, dans des émissions de rétrospective, de chanter des chansons de cette époque. Et les trois quarts de ces chansons étaient interdites à cause du texte un peu grivois. Parce qu'à cette époque-là, on ne se gênait pas, je vous assure. Je crois que cette pudeur est due à la vulgarisation, à la commercialisation, surtout, de cet art. Parce que maintenant, on juge un artiste sur sa cote commerciale. On est un peu à la merci du goût du client. Et c'est pourquoi, si l'instituteur ou le curé de tel ou tel village vous dit « Non, non, ne dites pas ça, hein. » On dit « Bon, très bien, monsieur, je dirai autre chose. » Et si, à présent, j'ai un souhait à formuler pour ceux qui m'écouteront dans 100 ans, ou plutôt ceux qui m'écoutent aujourd'hui, en 2058, c'est que l'artiste ne soit pas devenu un produit manufacturé. Vous imaginez cette extraordinaire vision prophétique de Bourvil il y a 60 ans, nous disant qu'en quelque sorte, si l'on n'est plus capable de dire des choses, certaines choses dans les chansons et dans les sketchs, c'est parce qu'il faut les vendre. C'est devenu tellement, tellement vrai, mais ça devait l'être déjà un petit peu en 58 probablement. Et puis alors un produit manufacturé, on ne peut pas s'empêcher de penser aux hologrammes. Et c'est ça, oui, ça y est maintenant. Ça, je pensais, je crois qu'il n'aurait pas imaginé une chose pareille, mais c'était pas si loin. Eh bien nous y sommes. Nous y sommes. Thierry Geffrotin, on oublie à quel point Bourvil a été d'abord un homme de musique et de chansons. Alors je l'ai bien rappelé là, dans le récit, ça me paraît important. Mais avant d'être un acteur de cinéma et même de théâtre et d'opérette, il est d'abord un chanteur. Enfin, il était d'abord un chanteur. Mais il a une passion pour la musique. Alors c'est pas un grand chanteur, c'est pas une grande voix. Quoique là, hein, quand il parle, il y a une gravité, oui, c'est il y a beau, hein, une profondeur beau dans ce qu'il dit, mais aussi dans la manière dont il oui, le dit. Vrai. Alors c'est pas une grande voix parce qu'on a toujours à l'esprit les chansons un peu, comment dire, futiles, comme les crayons, la rumba du pinceau, Fanfan, les enfants Fanfan, vous savez, ou la tactique dans le Roi Pandore. Sûr, oui. Mais si on l'écoute dans des chansons plus graves, je pense, on a entendu un extrait du Petit Bal Perdu ou dans d'autres chansons comme la Ballade Irlandaise, on voit qu'il y a un sens. Il s'est donné du sens. Les mots sont beaux, la mélodie est très belle pour la Ballade Irlandaise, mais lui aussi est un interprète formidable. Ça, c'est le côté chanteur. Il y a le côté aussi musicien, vous l'avez dit, l'harmonica d'abord. L'accordéon qu'il abandonne, hein. On l'oblige à abandonner l'accordéon pour entrer dans l'harmonie. Et il se met au piston. Au piston. Moi, ce que je dirais de Bourvil, c'est qu'il vient de loin, hein. Il vient quand même de la ferme. Et ça a été un très grand travailleur. Où il vient de tout près, comme on veut. Où il vient de veut. Tout près, mais quand on pense à la scène, là où, où il se révèle, c'est que ça a été un très grand travailleur. C'est-à-dire que pour le piston, notamment, il a bossé. Parce que quand il arrive dans ce fameux régiment d'infanterie, il est au contact de grand professionnel en devenir, ce qu'il n'est absolument pas. Non, bien sûr, et pour cause. Je me disais qu'on devrait faire une émission sur l'opérette. Un de ces jours, c'est une bonne idée. Oui, ça, alors, il faut choisir les bonnes opérettes, parce que puisque vous me tendez la perche, il y a quand même quelques opérettes qui ne grandissent pas, qui n'ajoutent pas la gloire de Bourvil. Je pense à Wawa, par exemple, qu'il joue. Déjà le titre, faut s'imaginer, oui. Wawa, en 1965. Au moment où il tourne, d'ailleurs, La Grande Vadrouille, il joue Wawa, et ça marche si peu en France, d'ailleurs, qu'il va jouer ça dans des pays francophones et limitrophes. Moi, je vous propose de l'entendre en duo avec Luis Mariano, bien sûr. Et ça, c'est dans Le Chanteur de Mexico. Ouais. Même village, le même jour, dans la même maison. Nous avons fait depuis notre jeune âge les mêmes pas vers le même horizon. Quand nous étions écoliers, j'étais premier, j'étais dernier. Et plus tard au régiment, j'étais troufion, j'étais sergent. Mais mon amour, c'est la même chanson. On me dit oui, on me dit non. Mais nous ne pourrions pas vivre, je crois. C'est assez étonnant ce qu'on est en train d'entendre, parce qu'il me semble, mais c'est peut-être tout à fait subjectif et personnel, que la voix de Bourvil n'a pas du tout vieilli, alors que celle de Luis Mariano, c'est une autre affaire. Dans un instant, nous revenons, si vous le voulez bien, au cinéma. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ferrand au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec cet après-midi, le destin de Bourvil, avec autour de vous Thierry Geffrotin, journaliste, et Danielle Thompson, réalisatrice et scénariste. Alors, vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous parler de Bourvil. Et Nathalie nous écrit un message suite au film dont Danielle Thompson nous a parlé il y a quelques instants, Fortuna. Nathalie nous dit... Avec Michel Morgan. Avec Michel Morgan. J'ai revu Fortuna récemment. On y entend la fameuse chanson de Monsieur Bénichou, La Trompette. Et j'y ai reconnu Frédéric Mitterrand, tout jeune. C'est un très joli film. Eh bien voilà, moi je vais vous dire, c'est tout à fait cessante, je veux absolument voir ce film. Est-ce qu'on peut dire, Danielle Thompson, que Bourvil intervenait dans le travail des scénaristes? Est-ce qu'il collaborait à l'élaboration des films? Est-ce qu'il changeait les textes que vous lui soumettiez? Non. Je dois dire que en ce qui concerne les films de mon père, maintenant je peux pas répondre pour les autres, mais je veux dire, il y avait une grande complicité, une vraie collaboration, et puis que ce soit d'ailleurs Bourvil ou de Funès, c'est la magie de l'interprétation, c'est-à-dire que ce sont des gens qui tout à coup apportent quelque chose de plus sur un plateau. Une dimension où ils ont, alors ils peuvent avoir tout à coup une suggestion ou changer un dialogue et ce sera gardé dans une prise X ou Y parce que c'est très drôle, mais dans l'élaboration du scénario, j'ai pas souvenir de ça. Alors j'ai des souvenirs, je me souviens très bien d'ailleurs d'être allé avec mon père chez Bourvil à Paris, dans le 16e arrondissement, lui parler du scénario qu'on était en train de préparer. Je crois qu'il s'agissait du cerveau d'ailleurs, puisqu'il y a eu aussi Bourvil-Belmondo, ça a été un autre duo que mon père avait créé. Et nous étions allés, mon père était très fort dans cet exercice. C'était un exercice difficile, c'est de lire à un comédien un scénario. Il aimait pas leur donner à lire. Il voulait le lire, il jouait tous les rôles, il était génial. Il leur vendait son scénario. Ouais. Oui. Alors, il y a probablement des remarques, des choses auxquelles on pouvait réfléchir, mais il n'y a pas vraiment une participation au scénario. Plusieurs de nos auditeurs soulignent la différence entre Louis de Funès qui n'aurait eu qu'un seul registre, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse d'ailleurs, et Bourvil qui en aurait eu de nombreux. Ce qui est certain, Thierry Geffrotin, c'est que Bourvil a joué des rôles très dramatiques, ce que Louis de Funès s'est interdit en fait. Oui, le dernier, je dis le dernier parce que pour moi c'est vraiment le dernier, c'est le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Là, il démontre une force dramatique qu'il n'avait pas démontré en jouant Thénardier dans Les Misérables. Je pense que c'est pas le meilleur des Thénardier. Il ne faisait pas peur. Il ne faisait pas peur. Alors que dans le Cercle Rouge, il pouvait faire pleurer. Il joue ce commissaire de police. Il est inquiétant. D'une certaine manière, d'ailleurs, dans La Traversée de Paris, il est inquiétant aussi. Il a un rôle dramatique. C'est pas très drôle, le rôle qu'il porte sur les épaules. Et la fin, d'ailleurs, du film démontre que son rôle est dramatique. Il aurait pu jouer encore des décennies et il meurt très jeune, à 53 ans. Est-ce qu'il vous avait annoncé sa maladie, Danielle Thompson? Alors, pas moi, personnellement. Je sais que mon père et lui, bien sûr, en avaient parlé tard. Parce que je crois qu'il n'avait pas très envie que ça se sache. Et puis, je me souviens très très bien que mon père a été très très bouleversé parce qu'en fait, il savait qu'il était malade, il ne se rendait pas très bien compte à quel point c'était grave. Et c'est un médecin qui lui a dit que c'était vraiment très très mal parti. La maladie de Calais. Et puis Jeanne en parlait à mon père. Donc, je sais que ça a été une période... C'était une période très bizarre pour nous parce qu'on était en pleine écriture de ce film qu'on écrivait pour lui et on était en train de tordre cette pièce de Victor Hugo dans tous les sens pour rendre le personnage de Ruy Blas bourvilesque. C'est-à-dire que justement tout ce qu'on a été obligé de refaire plus tard quand malheureusement il n'a pas pu le faire et qu'on a réécrit pour Yves Montand, le personnage de Ruy Blas dans la pièce de Victor Hugo, c'est un jeune premier flamboyant. Là ça devient Blas. C'est tout à coup la reine tombe redingue amoureuse de ce jeune noble qui n'en est pas un puisque c'est toute la trame. Et là on essayait de rendre ce personnage de Ruy Blas à la taille de Bourvil, c'est-à-dire de le changer en un personnage, un valet de comédie, un personnage qui avait du charme, qui la charmait parce que justement il avait une grande simplicité, parce qu'il était un homme du peuple plus qu'un aristocrate. Et tout ce travail-là, on était en train de le faire, tout en se disant profondément qu'on le faisait peut-être malheureusement un petit peu dans le vide. On apprend le 23 septembre 1970. Je suis à New York avec mon père en train de travailler sur le film, puisque je vivais à New York à l'époque. Il était venu faire une grande séance de travail avec moi et le téléphone a sonné dans sa chambre d'hôtel où nous étions en train de travailler pour lui annoncer ça. Et ça a été vraiment un désespoir, un vrai désespoir d'amitié et puis la fin d'une histoire professionnelle extraordinaire. C'était passionnant de vous avoir aujourd'hui, Daniel Thompson. Merci beaucoup d'être venu et merci à vous, cher Thierry Geffrotin. Et bien voilà, merci beaucoup, chère Anissa. Nous nous retrouvons demain pour une autre rediffusion, celle du dimanche. Oui, à 14h, et nous serons au cœur de l'histoire de la Corse avec Pascal Paoli.